On déballe comme une rafale avec un son chargé au max de balles. Pour rejeter les baveux, les pédales, le son qui tombe dans toutes les salles. Et j'aimerais pas être trop d'abal, t'auras une impression. Mon rap te met une pression, fais monter la tension. Mais dis-toi bien que c'est pas une hallucination. C'est juste des paroles qui font planer la nation. Comme le AK hallucination ou l'adversaire à les frissons. Tu connais la coutume du bitume et de ce joint qui se fume, les bifetons te l'aident allume. Mais la route éteint la vie, c'est comme une putain. Sans une terrasse, c'est l'univers. Basket, casquette, je suis le patron. On survête la violence, on t'en écoute. Et nous sommes sur écoute. Écoute ce rap qui te fait monter. Ma cette tête que je vais ramper au sommet, je vais grimper. Pour le RAP, je viens militer. Si tu balances la tête, si c'est 83, y'a pas de fête. Sans ma belle marijuana, je suis content d'être encore là, moi, lui. Nous, messieurs, notre fils qui nique le flic et la justice sur laquelle je pisse. Merde, je crois que ces flics aiment me matraquer. On verra bien c'est qui que je vais matraquer. Je vais revendiquer cette track. Vous laisse qu'enlève mon track. M2S, ILE, cette lettre qui finit le rap. Cette lettre contre la GSS, c'est la lettre qui finit frappe. Cet espoir, je la crois. Quand j'y crois, je vais finir blindé comme Booba. Donc je lâcherai pas le pura. C'est pas la concurrence qui me fait peur. Vu le niveau des autres rappeurs. D'une musique en pétition, de tous les jeunes en ébullition. Là, je suis avec mon pote Den Ken, avec mon pote Beladen, Saddam Hussein. Alors que là, je joue pas l'américaine, saoudienne, marocaine, irakienne, t'es harki. Alors touche pas ma hi, ni à mon septi, car c'est pas pour les harki. Hi hi, mais je m'emballe le cou, car y'en a partout, même les jaloux. Mais c'est 83, toujours un survêt, pas n'importe lequel. Un mois, pas comme ça, si tu veux pas que je te fasse des séquelles. Bordel, je rêve d'une saoudienne, qui a du sang dans les veines, qui n'en ressemble pas à une lienne, chienne. Comme l'a dit Gainsbourg tout court, en brûlant ce billet pour que la France se réveille. Qu'elle tente baisse ses oreilles et qu'elle veille à ce que le peuple a besoin. Médicaments pour ses soins, l'argent pour construire dans le coin. Car la mort n'est pas loin. J'ai débarqué pour des sous en France, mais j'ai trouvé la souffrance. Ou plutôt des différences, où l'immigré recule et français avance. Elle Anderson reflète sa zone et jette les MC à deux balles. Sur les ondes, shit et test, ça semble comme bouteille CRS, missile dans le business. Il est temps de c'est la vitesse, c'est ce qu'on a à dire. Qui vole le pire, bougeant à l'air, moins ses sourires. Y'a des hauts, y'a des bas sur ce sujet. Pas de débat quand t'entendras toujours pareil. C'est te dire de la cul de on est. Oh, si on nique les fonds, si la grenade moi je la dégoûte. Puis de façon tu connais nos thèmes, vu qu'à chaque fois c'est les mêmes, par les mêmes. Si l'état ne m'entend pas, je n'écris tout, sans tu les ne voyais pas. Ça me refoule le gun, et chargé, les guns sont charpés. Les jeunes sont starbés, tiens toi prêt, la relève est arrivée. Bientôt tu vas voir dans les bacs, la bas grave d'avoir mes poignets. Mais t'inquiète, ça ne pas me noter, alors ça moi un verre de thé. Et t'inquiète, ils vont se rappeler de mon lance-roquette. On va pas se laisser faire, moi je suis les raquettes. Vas-y, blâme ton joint de hi. Ne fais pas si le sceptique, car c'est pas pour les petits, mais pour les jeunes d'ici. Missile 83, ça roule collant à droite. Nous on s'en bat les coups de la droite, car il y a que des maladroites. Moi je les droite. Mad in colo, on est tous au saut, mais y'a toujours des fachos à qui faudrait leur couper la langue, car ils travaillent avec la chemiture. Pour nous c'est des ordures. Là je viens de fumer de la marocaine, elle vient pas d'américaine. Elle m'a niqué le cerveau, moi je viens de colo. Zone zone sud-est, cousin. Waouh, waouh. Tu nous écoutes et que tu restes bête. Prends ton temps, assieds-toi, roule-toi un bon bête. T'assures qu'on a certaines choses en tête. Je continuerai à percer jusqu'à mettre ton rap en miettes. C'est roquette de tiflette, l'antiflic et fliquette.